إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. On va donc lire ce soir, inshallah ta'ala, un petit épître du cheikh, l'imam, le réformateur Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et cet épître n'est autre que le livre Al-Qawa'id al-Arba, c'est-à-dire les quatre bases ou les quatre règles. Et on va s'appuyer également sur les annotations du grand imam de notre époque, le Cheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz, qu'Allah lui passe miséricorde. Fayaqul al-Cheikh fi muqaddimatihi rahimahullahu ta'ala, ba'dan hamidallah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Fahadihi al-qawa'id al-arba nabbaha alayhi al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa hiya qawa'id muhimma, faman aqalaha wa fahimaha jayyidan فهم دين المشركين وفهم دين المسلمين وأغلب الخلق لا يفهم هذه القواعد ولهذا التبست عليهم فعبدوا القبور وأصحابها والأولياء والأشجار والأحجار من دون الله سبحانه وتعالى وهم يحسبون أنهم على شيء لجهلهم بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك ومؤلف هذه القواعد هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهو المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر المتوفى سنة 620 من الهجرة النبوية. Donc le Cheikh Abdelaziz ibn Baz رحمه الله تعالى, il dit en introduction de ses annotations, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prier et saluer sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit ceci dit: voici donc ces quatre règles ou ces quatre bases sur lesquelles l'auteur a attiré l'attention rahimahullahu ta'ala, et ce sont des règles importantes. Quiconque les raisonne et les comprend bien aura alors compris qu'est-ce que la religion des associateurs et des polythéistes et quelle est la religion des musulmans. Et la majorité de la création ne comprend pas ces règles. Et la majorité des gens ne comprennent pas ces règles. Et c'est pour cela que certaines choses sont confuses pour eux. Et de ce fait, ils se sont mis à adorer les tombes et les morts qui s'y trouvent. Ou alors encore les arbres et les pierres et tout cela en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils pensent être sur quelque chose, c'est-à-dire sur quelque chose de juste. En faisant cela, ils pensent être sur la vérité, et ce à cause de leur ignorance de la réalité du tawhid, de la réalité de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de la réalité du shirk, de l'association. C'est-à-dire qu'ils ne distinguent pas entre le shirk et le tawhid, et c'est pour cela qu'ils sont tombés dans ces choses. Ensuite, il dit, rahimahullah, et l'auteur de cette épître, de ces règles, est le shaykh, l'imam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, celui qui a rénové ou celui qui a restauré les principes et les rituels de l'islam qui avaient disparu dans la péninsule arabique au milieu du XIIe siècle de l'Égypte. Et l'auteur, rahimahullah, est mort en l'an 1206 de la Hijra al-Nabawiyya, en l'an 1206 de l'Égypte. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة الرسالة: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإنها هلاه الثلاث عنوان السعادة. Donc l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى, il commence cette épître par cette invocation. Cette invocation qu'il adresse au lecteur, à celui qui écoute ou à l'étudiant en science. Il dit donc: Je demande à Allah le généreux, le Seigneur du trône immense, qu'il te prenne pour allié ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il te rende béni où que tu sois, et qu'il fasse que tu comptes parmi ceux qui, lorsqu'ils reçoivent, sont reconnaissants, et lorsqu'ils sont éprouvés, patientes, et lorsqu'ils commettent un péché, implorent le pardon, c'est-à-dire implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, ces trois choses sont les trois causes du bonheur. Donc le shir, rahimahullah ta'ala, il commence par cette invocation pour nous, les lecteurs, l'auditeur, l'étudiant en sciences qui va étudier ce livre. Et cela nous montre à quel point le shir, rahimahullah, il souhaite le bien pour la personne à qui il s'adresse. Car il lui fait cette invocation immense dont on va étudier certains des sens à travers la parole de Shir ibn Baz, rahimahullah ta'ala. قال المؤلف أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث خصال عنوان السعادة. فالمؤلف رحمه الله يجمع فيها بين الإفادة والدعاء للطالب وهذا من النصح أن يدعو للطالب بالتوفيق ويفيده ولا شك أن الطالب إذا قبل الله هذا الدعاء في حقه سعيد. L'auteur, il a commencé par cette invocation. Donc cette invocation, en même temps, il nous donne des bénéfices à travers celle-ci. C'est-à-dire qu'on va profiter de certains bénéfices à travers cette invocation, et en même temps, il invoque pour l'étudiant. Et ceci fait partie du bon conseil et de la loyauté du shir, rahimahullah. Il invoque pour que l'étudiant obtienne la réussite, et en même temps, il lui accorde certains bénéfices. Et il n'y a pas de doute que l'étudiant, si Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette invocation du shaykh, alors il sera heureux. Wa qawluhu wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar wa idha ibtuliya sabar wa idha adnaba istaghfar. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة وإذا حرص المؤمن على هذه الكلمات تمت سعادته فهو يشكر الله على ما أعطاه بفعل أوامره وترك نواهيه وإذا أذنب استغفر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وهذا هو شأن المؤمن ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. Donc il dit en commentaire de cette invocation, certes ces trois choses sont les causes du bonheur. Et si le croyant veille à mettre en pratique les trois points que le shir il a mentionnés, alors il obtiendra le bonheur complet. C'est-à-dire que lorsqu'il reçoit quelque chose, il est reconnaissant. Il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la reconnaissance, comment elle a lieu? Qu'est-ce que le shukr envers Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit le shir, bifi'li awamirihi wa tarki nawahi. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a accordé des choses. Alors toi, en guise de reconnaissance, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Ensuite, il dit وَإِذَا أَذْنَبَا اسْتَغْفَرْ وَتَابَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et lorsqu'il commet un péché, qu'est-ce qu'il doit faire, le croyant? Il doit implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis se repentir. Tous les enfants d'Adam font des erreurs. Et c'est impossible d'éviter cela. Tu ne peux pas vivre sans commettre de péché ou des erreurs. C'est inévitable. Donc tu vas commettre des erreurs. Tu vas commettre des péchés dans ta vie. Mais quel est le remède? L'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir à lui. Ensuite il dit, et telle est la situation du croyant. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'est étonnante l'affaire du croyant. Toute son affaire est pour lui un bien. C'est-à-dire quoi qu'il lui arrive, c'est pour lui un bien. Et ceci n'est pour personne d'autre que pour le croyant. S'il lui arrive un bien, qu'est-ce qu'il fait? Il est reconnaissant. S'il lui arrive un bien, il est reconnaissant envers Allah. Et c'est un bien pour lui. Il sera récompensé pour cette reconnaissance. Et s'il lui arrive un mal, qu'est-ce qu'il fait? Il patiente. Il endure ce qui lui est arrivé. Et ceci est un bien pour lui. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا هو الواجب على المؤمن أن يشكر الله عند الرخاء عند النعم كالصحة والعافية ونعمة الإسلام ونعمة الأولاد ونعمة المال إلى غير ذلك فهو يشكر الله عليها بطاعة أمره وترك نهيه يقول الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا يعني أن يطيع أوامره وينتهي عن نواهيه. Naam, il dit donc voici l'obligation pour le croyant. C'est-à-dire que lorsqu'il est dans un bienfait, dans une situation d'aisance, il se doit d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les exemples des bienfaits, la bonne santé. Lorsque tu es en bonne santé, tu dois te rendre compte que c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et être reconnaissant pour cela. Et quelle est la manière d'être reconnaissant ? Tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant ton état de bonne santé et faire des choses que tu ne pourras plus faire lorsque tu seras peut-être éprouvé par une maladie. Wa nasallallahu al-salama wa al-afiya. Ensuite, il dit également parmi les bienfaits, et qui est parmi le plus grand bienfait, le bienfait de l'islam. Tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala et être reconnaissant envers lui de t'avoir guidé à l'islam. Ensuite, il dit également le bienfait des enfants, le bienfait de l'argent, etc. Alors le croyant, il doit être constamment reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, et ce en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction des sens rapprochés, « Et œuvrez aux familles de Daoud en guise de reconnaissance. » Et œuvrez aux familles de Daoud en guise de reconnaissance. À partir de ce verset, les savants ont tiré comme bénéfice que la reconnaissance n'était pas limitée à la langue. C'est-à-dire que certaines personnes, ils ont des bienfaits, ils disent « Mais je suis reconnaissant envers Allah. » Je dis toujours, lorsqu'il m'arrive un bienfait, je dis « Alhamdulillah. » Mais ceci n'est pas suffisant. La reconnaissance envers Allah, c'est quoi également ? C'est que tu œuvres, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné ici dans ce verset. Et œuvrez aux familles de Daoud en guise de reconnaissance. Et œuvrez en guise de reconnaissance. C'est-à-dire que tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses ordres, que tu délaisses ses interdits et que tu utilises ce bienfait dans l'obéissance à ton Seigneur Jalla wa Ala. C'est-à-dire que les bienfaits qu'il t'a accordés, il t'a accordé le bienfait de la santé, utilise ta santé sur son entier. Dirige-toi vers les mosquées, accomplis des prières, jeûne pendant que tu le peux. Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé des biens et de l'argent, utilise-le dans son obéissance en guise de reconnaissance. C'est-à-dire que tu multiplies les aumônes, etc. Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé le bienfait d'avoir des enfants, alors éduque-les sur sa religion, enseigne-lui les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et enseigne-leur également ses interdits afin qu'ils les délaissent, etc. Ensuite, le cheikh il dit, rahimahullah, et également, lorsque la personne elle est éprouvée, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle doit être endurante et espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette épreuve, à l'exemple de la maladie, à l'exemple de la mort d'un enfant ou d'un proche, etc. La personne, elle ne doit pas se plaindre. Elle ne doit pas se plaindre. Elle ne doit pas déchirer ses vêtements. Elle ne doit pas se frapper le visage ou les joues. Elle ne doit pas invoquer d'une manière qu'il est interdite et qui fait partie des invocations de la période pré-islamique. Elle ne doit pas prononcer des paroles inconvenables, mais elle doit supporter et patienter. Elle doit supporter et patienter. Voici donc le deuxième point parmi les trois causes du bonheur. Ensuite, la troisième, il dit le cheikh, « Wa inda dhunub yubadiru bit tawba wal istighfar » Et lors des péchés, il s'empresse de se repentir et d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces trois points, si le musulman le met en pratique, qu'est-ce qu'il obtiendra ? Il obtiendra la félicité, il sera heureux ici-bas et dans l'au-delà. C'est pour cela que le shir a dit « Wa hadihi thalath unwanu s-sa'ada » عنوان والسعادة سي لي تخوا كوز دو بونور. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى خلقك لعبادتي فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك وينجيك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Ensuite, l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit à la suite de cette introduction: sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance. Que la hanifiya, la religion d'Ibrahim, consiste à ce que tu adores Allah seul en lui vouant un culte exclusif. C'est que tu adores Allah seul en lui vouant un culte exclusif. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon le sens rapproché, la traduction des sens rapprochés: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le shir, on voit qu'ici il refait encore une invocation pour le lecteur, pour l'étudiant, etc. Donc il dit: sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la hanifiya, la religion d'Ibrahim alayhi salam, et que tu adores Allah seul en lui vouant un culte exclusif. C'est que tu adores Allah seul en lui vouant un culte exclusif. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction des sens rapprochés: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Wa hadhihi al-ghaya. L'objectif de ta création, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est l'objectif de la vie des djinns et des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala l'a clairement dit: wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé pour que tu l'adores. Il ne t'a pas créé pour que tu réunisses les biens de ce bas monde et que tu cours après cela. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'accorde ta subsistance. Tu ne dois donc pas délaisser tes obligations que tu as envers lui pour chercher à réunir les biens de ce bas monde. Ensuite, il dit l'auteur: maintenant que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour son adoration, sache donc que l'adoration ne peut être considérée comme telle que si elle est accompagnée de l'unicité. Que si elle est accompagnée de l'unicité. C'est-à-dire qu'une adoration durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas unifié, ou qui est voué à Allah et à autre que lui, ou qui est voué à autre que lui, alors ce n'est pas une adoration correcte et acceptée ni valide. Kama anna as-sala la tusamma salatan illa ma'a at-tahara. Fa idha dakhala ash-shirku fi al-ibada fasadat kal hadath idha dakhala fi at-tahara. De la même manière que la prière, elle ne peut être considérée comme telle si ce n'est avec la purification. Est-ce que la prière sans ablution est valide? Personne n'a de doute à ce sujet. Si tu dis à quelqu'un, si quelqu'un vient te dire: j'ai prié toute la nuit, de après l'Aïcha jusqu'au Fajr, mais je n'avais pas le wudu, sa prière n'est pas valide. On n'aura aucun mal à lui dire que sa prière était invalide. فَكَذَلِكَ الشِّرْكَ مَعَ الْعِبَادَاتِ. De la même manière, le shirk, l'association avec l'adoration. حتى الإنسان إذا صلى وصام وحج وزكى وأشرك بالله سبحانه وتعالى في عبادته. Toutes ses œuvres, elles sont vaines. Même s'il prie, jeûne, accomplit le pèlerinage, s'acquitte de la zakat, etc., s'il associe à Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ses œuvres sont rejetées. De la même manière que celui qui prie sans ses ablutions. لأن الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو الشرط الأول لقبول al-ibada. Parce que la sincérité et le culte exclusif où Allah subhanahu wa ta'ala est la première condition de l'acceptation des œuvres. Ensuite, il dit, donc de la même manière que lorsque le shirk rentre dans l'adoration. C'est-à-dire que de la même manière, si quelqu'un prie et perd ses ablutions durant sa prière s'invalide automatiquement, il sort et il recommence sa prière. De la même manière, celui qui accomplit une adoration pour Allah ou pour autre que lui, ou pour Allah et pour autre que lui, alors, dans ce cas-là, son adoration est vaine. Son adoration est vaine. Ensuite, il dit, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَتَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَتَ الْعَمَلْ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ عَرَفْتَ أَنَّهَا هَمَّ عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ. Il dit maintenant que tu sais que l'association, si elle se mélange à l'adoration, alors elle la corrompt et rend vaine ton œuvre. Alors elle la corrompt et rend vaine ton œuvre. Maintenant que tu sais cela, et que tu sais que celui qui le commet fait partie des gens qui seront éternellement en enfer, alors tu sais que la chose la plus importante qu'il y a pour toi à savoir, c'est de connaître qu'est-ce que ce shirk. Quelle est cette chose qui rend vaine l'ensemble de mes œuvres? Quelle est cette chose qui, si je l'accomplis, toutes mes prières, tout mon jeûne, mes hajj, mes umrah, toutes mes adorations, elles seront vaines. Je vois donc que c'est la plus importante des choses que je dois connaître. Ensuite, il dit وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُخَلِّصَكَ وَيُنْجِيَكَ مِنْ هَدِي الشَّبَكَ وَهِيَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala te délivrera et te préservera de tomber dans ce piège qui est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, celle au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon le sens rapproché, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. On voit donc que le shirk est la chose la plus grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdite. Et ici, on fera simplement une remarque. Que le shirk, dont l'auteur parle ici, qui rend son auteur éternellement en enfer et qui annule l'ensemble de ses œuvres, c'est le shirk al-akbar. C'est l'association majeure. لِأَنَّ الشِّرْكَ شِرْكَانٍ. Car l'association se divise en deux catégories. Il y a deux sortes de shirk. Shirkun akbar وَهُوَ الَّذِي يُخْرِجُ الْإِنسَانَ مِنَ الْمِلَّةِ. L'association majeure, c'est celle qui fait sortir la personne de la religion, comme celui qui se prosterne devant une idole ou qui adore un arbre, une pierre ou toute autre chose. Ceci est de l'association majeure qui fait sortir l'homme de la religion. Wa shirkun asghar wa huwa alladhi la yukhrijul insan min al-millah. Et il y a l'association mineure, et c'est celle qui est moindre que la précédente et qui ne fait pas sortir son auteur de la religion, comme celui qui jure par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en jurant par exemple par ses parents ou al-Ka'ba ou des autres choses que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man halafa bi ghayri llahi faqad ashraka au kafar. Celui qui jure par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a alors associé ou mécru. Donc le shirk ici, rahimahullah, il parle bien du shirk al-akbar, de l'association majeure. Et ils sont tous deux dangereux pour le musulman. Ensuite, le shir, rahimahullah, donc après avoir dit que la plus importante des choses que tu as à connaître, c'est qu'est-ce qu'est ce shir, qu'est-ce qu'est cette association qui rend vaine tes œuvres. Et il dit وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدْ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَ فِي كِتَابِهِ. Et ce, en prenant connaissance de quatre règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans son livre. Et ce, en prenant connaissance de quatre règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre. Comme on l'a dit, le shir, rahimahullah, il n'a pas amené ces règles de lui-même, mais il s'est appuyé sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ces règles dans son livre, et c'est ce que l'on va voir à travers l'épître du shir, rahimahullah, que dans chaque règle, il l'a accompagné de paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقال رحمه الله القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Il dit donc le shir, rahimahullah, la première règle, c'est que tu saches que les mécréants, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala était leur créateur. Ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala était celui qui leur accordait leur subsistance. Et ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui administre tout. Malgré cela, ils ne sont pas entrés en islam. Le fait qu'ils admettaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala était leur créateur, qu'il était celui qui leur donnait la subsistance, celui qui leur donnait la vie et la mort, celui qui administre tout, etc. Cela ne suffisait pas pour les faire entrer en islam. Et la preuve qu'ils reconnaissaient cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens rapproché, dit « Qui vous attribue la nourriture du ciel et de la terre ? Qui détient l'ouïe et la vue ? Et qui fait sortir le vivant du mort ? Et fait sortir le mort du vivant ? Et qui administre tout ? Ils diront Allah. » Dit alors, ne le craignez-vous donc pas ? Donc les polythéistes, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, était celui et le seul à les avoir créés. Ils reconnaissaient qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, était celui qui leur donnait la vie et la mort. Ils reconnaissaient qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, était le seul à leur accorder leur subsistance. Naam. Donc, pourquoi ils ne sont pas rentrés en islam ? Parce qu'ils ont refusé de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'ils ont refusé de dire « La ilaha illallah ». C'est pour cela maintenant qu'on voit la fausseté à travers cela de la parole de ceux qui disent que « La ilaha illallah », cela veut dire « Il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah ». Si « La ilaha illallah », son sens c'est « Il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah », alors dans ce cas-là, pourquoi Abu Lahab ? Pourquoi Abu Talib ou les autres mouchriquins ont refusé de le dire? Pourquoi Abu Lahab a-t-il refusé de dire « La ilaha illallah » ? Il reconnaissait qu'Allah était son seul créateur. Ainsi que tous les polythéistes de Quraysh. Ils reconnaissaient tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le seul capable de leur donner la vie et la mort. Ils reconnaissaient tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le seul à leur accorder la subsistance. Ils ont compris le sens de cette parole. Ils ont compris que le sens de cette parole était qu'ils devaient délaisser tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont compris que le but était qu'ils délaissent toute leur divinité et qu'ils vouent un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici la première règle sur laquelle le shir rahimahullah a attiré notre attention. Le fait de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le pourvoyeur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui administre tout, n'est pas suffisant pour entrer en islam. N'est pas suffisant pour entrer en islam. فالتوحيد هو صرف العبادة لله وحده والإيمان بأنه وحده المستحق لها دون ما سوى ومما يبين لك هذا أن المشركين يقولون ما دعوناهم وما توجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. L'unicité est tawhid. C'est donc le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et d'avoir la ferme conviction qu'il est le seul à mériter d'être adoré. C'est pour cela, comme on va le voir dans la deuxième règle, que les polythéistes ont dit « Nous n'invoquons nos divinités, nous nous orientons vers eux que pour obtenir le rapprochement et l'intercession. » Que pour obtenir le rapprochement et l'intercession. « Fattawhid lahu aqsam » Le tawhid, donc, il se divise en plusieurs catégories. فالقسم الأول هو توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير. La première catégorie de tawhid, c'est le tawhid, l'unicité dans la seigneurie. Tawhid al-Rububiyyah. Le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, le pourvoiement de la subsistance, l'administration des choses, le fait de donner la vie, de donner la mort, etc. Et on voit que cette forme de tawhid, les polythéistes du peuple de Quraysh le reconnaissaient. Ils reconnaissaient ce type de tawhid. Et ce n'est pas ce type de tawhid sur lequel les prophètes, alayhi mussalam, sont rentrés en conflit avec leur peuple. Mais c'est sur le deuxième type. Al-Qismu Thani. Tawhid al-Uluhiyya. Wa huwa ifradullahi bil-ibada. Le deuxième type de tawhid, donc, c'est le tawhid, l'unicité dans la divinisation. L'unicité dans la divinisation, qui est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Que ce soit la prière, le jeûne, le hajj, l'aumône ou autre que cela parmi les adorations. Kulluha lillahi subhanahu wa ta'ala. Elles sont toutes réservées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce type de tawhid, c'est celui sur lequel les polythéistes sont entrés en conflit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant eux, tous les prophètes alayhi wa sallam avec leur peuple. Car l'appel des prophètes alayhi wa sallam n'est autre que d'appeler à adorer Allah seul sans ne lui donner aucun associé. Et le troisième type de tawhid est l'unicité dans les noms et attributs. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجأنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. La deuxième règle donc que le cheikh rahimahullah il a mentionné, c'est le fait que ces polythéistes, donc on a vu qu'ils reconnaissaient qu'Allah était le créateur, le pourvoyeur, celui qui donnait la vie, celui qui donnait la mort. Alors pourquoi adorait-il autre qu'Allah? Pourquoi adorait-il autre qu'Allah? Car le fait de reconnaître toutes ces choses impliquerait nécessairement qu'on adore qu'Allah seul et qu'on lui voue un culte exclusif. Quelle est la raison qui les a menés à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Ils ont dit, nous ne les invoquons et ne nous tournons vers eux que pour demander le rapprochement et pour obtenir leur intercession. Et la preuve du rapprochement, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon la traduction des sens rapprochés. Ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons ». Ils ont reconnu ici qu'ils les adorent. Ils vouent donc des adorations à ces idoles. Que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Celui qui est menteur est grand ingrat. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a-t-il qualifiés de menteurs? Il dit Inna Allah la yahdi man huwa kadibun kafar. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala leur dit Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Quelle est la raison? Car ils mentent en réalité. Ceci est un mensonge de dire qu'ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour se rapprocher d'Allah. Car ceci n'est pas une cause de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés de menteurs et de grands ingrats. Pourquoi? Car ils sont ingrats envers les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordés. Ils ont reconnu qu'Allah les a créés. Ils ont reconnu qu'Allah leur a donné subsistance. Ils ont reconnu qu'Allah leur donne la vie, qu'il leur donne la mort, qu'il administre tout cet univers. Et malgré cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent autre que lui. Ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est une des plus grandes formes d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit l'auteur: وَدَلِيلُ الشَّفَاعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Et la preuve concernant l'intercession, c'est-à-dire qu'il demandait l'intercession à autre qu'Allah, il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, selon le sens rapproché, et ils adorent en dehors d'Allah. On voit encore qu'Allah subhanahu wa ta'ala qualifie leurs œuvres d'adoration. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et ils adorent en dehors d'Allah. Ce qui peut ni leur nuire, ni leur profiter. Ces choses qu'ils adorent, que ce soit les morts, que ce soit les habitants des tombes, que ce soit les pierres, les arbres, les statues ou toute autre idole, ils ne peuvent ni leur nuire ni leur profiter. Car le fait de nuire et de profiter n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc ils pensaient que ces choses-là, qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en leur vouant ce culte, ils intercéderaient pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est l'association en elle-même. والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. Et l'intercession est de deux sortes. L'intercession est de deux sortes. Il y a une intercession qui est reniée et une intercession qui est confirmée. Qu'est-ce que cela veut dire? Allah subhanahu wa ta'ala, dans certains versets, qu'est-ce qu'il fait? Il confirme et affirme qu'il y a une intercession qui existe. Et dans d'autres versets, il dit qu'il n'y a pas d'intercession et qu'il n'y a pas d'intercesseur. Donc cela nous montre bien que l'intercession a deux sens et qu'il y a deux types d'intercession. Et le shir va nous démontrer cela ici. Il dit فَالشَّفَاعَةُ الْمَنْفِيَّةُ مَكَانَ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ فِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. L'intercession donc qui est reniée, qui est niée, qui est rejetée, c'est celle qui se demande ou celle qui est demandée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir. C'est-à-dire qu'ils demandent à ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah d'intercéder pour eux pour qu'ils rentrent au paradis, d'intercéder pour eux pour qu'Allah leur pardonne leurs péchés, et ainsi de suite. Ceci est du shirk, ceci est de l'association. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Ô les croyants, dépensez de ce que nous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il rejette l'existence de cette intercession. Et les mécréants, ce sont vraiment eux, les injustes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici dans ce verset, il renie et il rejette cette forme d'intercession. Et cette intercession, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit donc فِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ, dans une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est permis de demander d'intercéder pour des choses que l'être humain est capable d'accomplir. Par exemple, une personne a été victime d'une injustice. Une personne est victime d'une injustice. Elle demande à une personne qui a un certain rang dans cet endroit de réparer pour elle cette injustice et d'aller voir, par exemple, les autorités pour elle et d'intercéder en sa faveur. Et ça, c'est une chose que l'homme est capable d'accomplir. Et ceci est permis. Ensuite, il dit وَالشَّفَاعَةُ الْمُثْبَتَةُ هي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Ensuite, le deuxième type d'intercession, l'intercession qui est affirmée dans le Coran, et c'est celle qui est demandée à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celle qui est demandée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle a plusieurs objectifs. Le shir, il mentionne, il dit, et l'intercesseur, il est honoré par l'intercession. C'est-à-dire que ceux qui vont intercéder auprès d'Allah yawm al-qiyamah, c'est un honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fait. C'est un honneur qu'il leur fait, et en même temps, il montre le mérite qu'a cette personne sur les autres pour lesquels elle va intercéder. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au yawm al-qiyamah, les gens se dirigeront vers les prophètes les uns après les autres, recherchant l'intercession. Ils se dirigeront vers Adam, puis Ibrahim, puis Moussa, alayhi salam, etc. Jusqu'à se diriger vers Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et tous refuseront d'intercéder, jusqu'à ce qu'il demande à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il intercédera de lui-même directement? Non. Il se prosternera devant Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il lui soit dit, « Oh Muhammad, relève ta tête, demande et on te donnera, intercède et on acceptera ton intercession. » Donc on voit que même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas intercéder sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que l'auteur il dit donc, « وَالْمَشْفُوعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ قَوْلَهُ عَمَلَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ » Et celui pour qui on intercède, c'est celui dont Allah subhanahu wa ta'ala agrée les paroles et les actes. Dont Allah subhanahu wa ta'ala agrée les paroles et les actes. C'est-à-dire que quelqu'un qui a passé sa vie dans le shirk, quelqu'un qui a passé sa vie dans le kufr, etc., aucune intercession ne lui sera profitable, yom al-qiyam. Parce que pour pouvoir intercéder pour lui, il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala tout d'abord et quoi agrée ses paroles et ses actes. C'est-à-dire qu'il soit mort en étant sur le tawhid. C'est-à-dire qu'il soit mort en étant monothéiste et n'en est rien, en ayant rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit ba'd al-idn, après la permission. C'est-à-dire qu'il est impossible pour toutes les créatures, quelles qu'elles soient, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sans sa permission. Allah subhanahu wa ta'ala a dit man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni, qui est celui qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. C'est-à-dire que personne ne peut intercéder sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci donc est réservé, comme on l'a vu, aux gens du tawhid. Donc qui peut, à travers ce que l'on vient de mentionner, me dire quelles sont les conditions de l'intercession? On va voir qui c'est qui suit le plus. Quelles sont les conditions pour que l'intercession elle soit juste et correcte? Quelle est l'intercession qu'Allah a affirmée? Allah donne sa permission, une condition. Il faut que ce soit quelque chose que la personne soit en capacité de faire. Non, là on parle de l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas les intercessions dans la vie mondaine. L'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. An Allah yarda qawluhu wa 'amalah. Qu'Allah il agrée l'œuvre et les paroles de la personne. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il doit agréer qui? Celui qui intercède ou celui pour qui on intercède? Hein? Les deux. C'est impossible qu'une personne qui est mécréante, perverse, etc., l'aille intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, comme on a vu, c'est un honneur pour celui qui intercède. Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'honorer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va intercéder pour sa communauté. C'est un honneur qu'Allah lui a donné. Donc ce n'est pas une chose qui est accordée à tout le monde. Et également, celui pour qui on intercède, il doit être agréé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en résumé, on a la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut intercéder sans sa permission. Et la deuxième, le fait qu'Allah il agrée celui qui intercède et celui pour qui on intercède. Naam. Ceci est donc le résumé de cette règle, qui est la deuxième que le Cheikh rahimahullah il a mentionnée. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Donc le cheikh ici il dit rahimahullah la troisième règle. Donc parmi ces règles qui vont te permettre de quoi? De connaître qu'est-ce que l'association et qu'est-ce que le tawhid. De distinguer entre le shirk et le tawhid. De distinguer entre le monothéisme et le polythéisme. Et qui vont te permettre de te débarrasser de cette chose qui peut être la cause de l'annulation de toutes nos œuvres. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala as-salama wa al-'afiyah. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu au milieu de gens qui étaient divergents dans leurs adorations. C'est-à-dire qu'ils n'adoraient pas une seule et même chose. Il y avait parmi eux des gens qui adoraient les anges. Il y avait parmi eux des gens qui adoraient les prophètes et les gens pieux. Il y avait parmi eux des gens qui adoraient les arbres et les pierres. Et il y avait parmi eux des gens qui adoraient le soleil et la lune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tous mis au même rang et au même niveau. Et il les a tous combattus. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna et que la religion soit tout entière à Allah subhanahu wa ta'ala. Le shir ici dans cette règle, il a voulu réfuter ceux qui disent que l'association ne consiste qu'à quoi et restreinte à quoi? À l'adoration des statues. Car il y a des personnes, par exemple, ceux qui adorent les tombes, ils disent quoi? Ils disent qu'on fait, ce n'est pas de l'association. L'association, c'est ce que faisait Quraysh. Ils vouaient leur culte à des statues. Et nous n'adorons pas des statues. Le shir ici, il nous prouve que les gens vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé, qu'est-ce qu'ils adoraient? Est-ce qu'ils adoraient que les statues? Non. Certains adoraient les anges, certains adoraient les prophètes, certains adoraient le soleil, la lune, d'autres adoraient des pierres, des arbres, etc. Et le shir, rahimahullah, il va nous montrer ici la preuve pour chacune de ces choses. Il dit وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ قَوْلُوا تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Et la preuve concernant le soleil et la lune, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens rapproché. Et il y a parmi ces signes la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est vraiment lui que vous adorez. Si c'est vraiment lui que vous adorez. Donc ici, à travers ce verset, on profite de plusieurs bénéfices. Parmi les bénéfices, le fait qu'il y avait des gens, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui adoraient le soleil et la lune. Donc qui adoraient autre que les statues. Donc le shirk consiste simplement à adorer autre qu'Allah, quel qu'il soit. Que ce soit le soleil, la lune, un prophète, une pierre, un arbre, une statue ou toute autre chose. Et il n'est pas restreint à l'adoration des statues. Il n'est pas restreint à l'adoration des statues. Ensuite, il dit وَدَلِيلُ الْمَلَائِكَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Et il ne vous a pas ordonné de prendre les anges et les prophètes comme seigneurs. On voit donc qu'il y avait des gens qui adoraient les anges et les prophètes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa minhum an-nasara, et parmi eux les chrétiens qui adorent Isa alayhi salam. Wa dalil al-anbiya qawluhu ta'ala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu laqad faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Et rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour divinité en dehors d'Allah » Il dira « Gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Et si je l'avais dit, tu l'aurais su. Et si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. » ثم قال الشيخ رحمه الله ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Ceux qu'ils invoquent cherchent même à se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Les savants du tafsir, les savants de l'exégèse ont dit que ce verset, il est descendu sur un groupe de djinns qui étaient adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis qui sont entrés en islam. Oulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adaba. Ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, c'est-à-dire ces djinns qu'ils invoquaient, les gens cherchent même à se rapprocher de leur Seigneur. Ils cherchent à se rapprocher d'Allah. Ils sont entrés en islam. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. وقال المؤلف رحمه الله ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واخد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاه عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات. Donc la preuve concernant les arbres et les pierres est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens rapproché que vous ensemble des divinités Allat al-Uzza et Manat, la troisième autre. Donc ces divinités que les Quraysh adoraient étaient des pierres et des arbres. Et également parmi les preuves que les polythéistes vouaient leur adoration à des pierres et des arbres, il y a le hadith d'Abi Waqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu qui dit « Nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Hunayn » et nous étions récemment sortis de la mécréance, c'est-à-dire qu'ils venaient récemment d'entrer en islam. Et les associateurs avaient un arbre auquel ils accrochaient leurs armes, auquel ils accrochaient et suspendaient leurs armes à un arbre, en recherchant par cela la baraka. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Donc on essaye de finir rapidement entre la dernière iqama inshallah ta'ala. Donc on venait donc de lire le hadith de Abi Waqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu qui a dit nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Hunayn et nous venions d'entrer en islam et les associateurs avaient un arbre auquel ils accrochaient leurs armes et il s'appelait cet arbre donc Datanwat. Nous sommes donc passés à côté d'un arbre et nous avons dit « Oh messager d'Allah, accorde-nous un dat anwat comme eux ont un dat anwat. » Donc, ce qui est voulu ici par la mention du shir, rahimahullah, de ce hadith, c'est le fait que les associateurs adoraient donc, vouaient donc cette adoration à un arbre. Et que leur adoration n'était donc pas limitée à l'adoration des statues. Voici donc en résumé l'essentiel de cette troisième règle, qui est la réfutation de cette ambiguïté de dire que l'association est limitée et restreinte à l'adoration des statues, que le shirk est restreint à l'adoration des statues. Ensuite, le shirk, il dit, rahimahullah, Al-qa'idatu al-rabi'a, anna mushriki zamanina, aghradu shirkan min al-awwalin, li'anna al-awwalin yushrikuna fi al-rakha, wa yukhlisuna fi al-shidda, wa mushriku zamanina, shirkuhum da'iman fi al-rakha wa al-shidda. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. La troisième règle que le shir rahimahullah il a mentionné nous permettant de distinguer entre l'association et l'unicité, nous permettant de distinguer entre les associateurs et les monothéistes, c'est le fait que les associateurs de notre époque sont encore pires en termes d'association que ceux qui étaient avant eux parmi les premières générations. Pourquoi ? Car les associateurs des premières générations, ils ne donnaient des associés à Allah subhanahu wa ta'ala que dans les moments d'aisance. Quand tout allait bien, ils étaient ingrats envers Allah et oubliaient Allah subhanahu wa ta'ala et vouaient leurs adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il leur venait un moment de difficulté, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils vouaient un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Il voit un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les associateurs de notre époque, ils invoquent autre qu'Allah, que ce soit dans l'aisance ou dans la difficulté. Comme on l'a mentionné, avec ces gens qui ont la moindre difficulté, il leur arrive un problème, une difficulté, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'empressent de dire « Ya Sidi Fulan, Ya Rasulallah, Ya Zainab, Ya Fatima, Ya Ali, Ya Al-Hussein, etc. » Au lieu d'orienter leurs adorations vers qui ? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit leur situation, dans les ans sous la difficulté, ils invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les premiers associateurs, lorsqu'ils étaient dans leur difficulté, ils savaient que leur divinité ne pourrait rien faire pour eux. Donc ils s'orientaient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, « فَهِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ » فَلَمَّ نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ idahum yushrikun. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement le culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Voilà qu'il lui donne des associés. Donc, lors de leur moment de difficulté, ils avaient la ferme conviction que leur divinité ne pouvait rien faire pour eux. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah, il dit « Wa tammat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam » Voilà donc une lecture rapide de cette épître, Al-Qawa'id al-Arba', où on a simplement vu l'essentiel des points que le Cheikh, rahimahullah, a mentionnés, mais en réalité, elle comporte beaucoup plus de bénéfices. Et on a également arrêté de lire l'explication de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, en cours de route, par peur de ne pas pouvoir terminer la lecture de l'épître. فَمَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ وَمِنْ خَطَأٍ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا.